Il est à peu près 18h15 et vous êtes de retour à Futur Simple sur CKRL 89,1. Et pour terminer l'émission, nous allons faire un changement total de sujet. Nous allons faire un voyage au fin fond des temps avec Clémence Sirot. Bonjour Clémence. Bonjour Valérie. Alors Clémence, comme pour Karine et Nicolas, je vais te demander de te présenter brièvement une ou deux petites phrases. Oui, bien sûr. Moi, je suis arrivée au Québec il y a à peu près 2 ans et demi. Puis là, je viens de terminer une maîtrise en journalisme scientifique. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de faire des chroniques à Futur Simple. Mais d'appliquer ce que tu viens d'apprendre. Voilà, c'est ça. Et puis, je voulais m'intéresser plus particulièrement au tourisme scientifique. Donc, ouais. Au Québec, ou si j'ai la chance ailleurs. Mais ouais, bah oui. Pour l'instant, on va rester au Québec. Donc, tu vas vraiment nous faire des voyages pour de vrai, là, nous faire faire des voyages à travers le Québec ou ailleurs. Avec un œil sur ce qu'on peut voir, ce qu'on peut découvrir scientifiquement. Voilà, c'est tout à fait. C'est une belle idée. Et donc, pour ce premier voyage, tu nous emmènes au parc national de Miguacha. Oui, Miguacha, c'est en Gaspésie, c'est ça, sur la baie des Chaleurs. Ouais. Puis c'est ça, j'y suis allée aux dernières vacances et puis j'avais vraiment apprécié le lieu. Touristiquement, c'est vraiment intéressant. Puis scientifiquement, il y a vraiment des choses à apprendre. Et j'ai rencontré quelqu'un de vraiment passionné. Donc voilà, on va l'écouter dans le reportage. Tu nous as donc préparé un reportage que nous allons entendre bientôt. On espère. Ouais. C'est qui la personne que tu as rencontrée ? Paul Lemieux. Ça commence. Le parc national de Miguacha se situe au niveau de la municipalité de Nouvelle et de celle d'Escouminac, en Gaspésie. Paul Lemieux, responsable du service à la clientèle au parc de Miguacha, véritable passionné, nous y attend, devant un point de vue magnifique sur la baie des Chaleurs. Notre mission, c'est de protéger une falaise, parce que dans cette falaise, dans les couches de roches de cette falaise, au milieu du 19e siècle, des chercheurs de charbon ont découvert des fossiles. Et c'est un site fossilifère de poissons, de plantes et d'invertébrés qui sont datés de 380 millions d'années et c'est un site qui est connu à travers le monde depuis déjà plus d'un siècle. Mais pourquoi ce site de Miguacha est-il si important mondialement? Pourquoi est-ce qu'il est important? C'est tout simplement parce que, 380 millions d'années, ça nous rattache à la période du Dévonien. Le Dévonien, c'est une des grandes étapes de l'évolution de la vie sur Terre et le Dévonien est connu comme étant l'âge des poissons. Pour la simple et bonne raison qu'au Dévonien, les poissons étaient les vertébrés les plus évolués. Au Dévonien, sur la planète, alors pas d'amphibiens, pas de reptiles, pas de mammifères. Tout simplement parce qu'il n'était pas encore arrivé dans l'évolution. Il va arriver plus tard dans l'évolution. Au Dévonien, les poissons sont les vertébrés les plus évolués et la presque totalité de la vie animale est dans l'eau. Dans l'eau, donc, avec les poissons, les invertébrés aquatiques. Sur les continents, sur la terre ferme, il y a des forêts dans lesquelles vivent de petits invertébrés, genre scorpions, mille pattes, qu'on retrouve aussi à Miguacha, et qui étaient les seules formes de vie animale qui vivaient dans ces forêts dévoniennes, du Dévonien. Et alors là, c'est de Miguacha, avec ses poissons, ses plantes et ses invertébrés, finalement, on dit qu'il est représentatif de la vie telle qu'elle existait à l'époque. Le site de Miguacha est donc un témoignage de cette période du Dévonien. C'est à ce moment qu'a commencé la transition de certains poissons vers la Terre. Ils ont commencé à évoluer, leur corps s'est adapté à leur future vie sur Terre. Alors, pourquoi les poissons de Miguacha ont-ils connu une aussi grande notoriété? C'est que au Dévonien, dans les poissons de Miguacha, on en a 20 espèces, qui se subdivise dans 5 groupes. Des 5 groupes avec des adaptations de morphologiques extrêmement bien définies. Dans ces 5 groupes, il y en a un de ces groupes de poissons qu'on appelle les sarcoptérygiens, qui est un groupe de poissons à nageoires charnues. C'est un groupe de poissons qui a commencé au tout début du Dévonien à développer des adaptations pour faire la conquête du sol. Donc, en termes d'adaptation, il est question de poumons. Donc, c'était des poissons avec un double système respiratoire. C'est des poissons qui avaient aussi dans les nageoires paires, dans les nageoires pectorales et les nageoires pelviennes, c'est des poissons qui avaient des structures osseuses. Et ces structures osseuses ont permis de comprendre comment va se développer la patte, finalement. Et c'est ce groupe de poissons qui va faire la transition avec le milieu terrestre qui va permettre l'avènement des amphibiens dans l'évolution de la vie. Les touristes et les scientifiques sont nombreux en été. Souvent, ils viennent pour rencontrer le maître des lieux, un poisson appelé le prince de Miguashua, qui est justement le fossile d'un poisson qui avait débuté sa transition. Je vous parlais des poissons à nageoires charnues. C'est dans ce groupe qu'on en retrouve le prince de Miguashua, puisque si le site est devenu connu à travers le monde, c'est à cause finalement de ce poisson. Poisson qui était en transition, poisson qui avait des poumons et des structures osseuses dans les nageoires paires. Son nom scientifique, c'est Ustenapteron fordi, mais il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, il y avait eu un concours dans les écoles de la région immédiate du parc pour trouver un nom à ce poisson, un nom vernaculaire, et c'est le nom qui avait été soumis finalement par un jeune élève de l'école primaire de Nouvelle, c'était le prince de Miguashua. Et ce nom, lui, est resté finalement, et avec les visiteurs dans le quotidien, on parle toujours du prince de Miguashua, qui est finalement qui est la vedette scientifique du site de Miguashua. L'UNESCO a décidé en 1999 de faire rentrer le site de Miguashua dans le patrimoine naturel mondial pour la richesse de ce témoignage de l'histoire de la planète. Le site de Miguashua est extrêmement important à cause de ça, finalement. D'abord, il est représentatif d'une période de l'évolution, le dévonien, qui est l'âge des poissons, mais il a aussi permis de comprendre comment ce groupe de poissons qui est en transition, finalement, vers un mode de vie terrestre. C'est la particularité, finalement. Ces fossiles, par leur témoignage, ont permis de comprendre ce qui s'est passé lors du Dévonien. Et ils le permettent encore. Oui, à tous les ans, on fait des fouilles. Pendant mal an, je vous dirais qu'on va retrouver de 300 à 400 spécimens par année, qui sont trouvés de deux façons, finalement, soit à travers le programme de fouilles, puisque à chaque été, pendant 7 ou 8 semaines, on a une équipe de fouilleurs qui travaille sur la plage. Donc, cette équipe, ces gens, leur métier, c'est de casser de la pierre pour trouver des fossiles. C'est une façon de trouver des fossiles, mais il y a aussi l'érosion. L'érosion qui va... c'est une falaise de roches sédimentaires, donc c'est de la pierre, c'est de la pierre qui s'est formée dans le fond de l'eau. C'est très friable. Donc, l'érosion va beaucoup faire tomber des pans de falaise, surtout s'il y a des tempêtes de pluie, le dégel, les grands vents. Ça contribue finalement à éroder la falaise et il y a des pans de falaise qui vont tomber sur la grève. Et quand ça se produit bien, on casse les pierres finalement, la roche qui est tombée sur la grève et c'est une autre façon finalement de retrouver les fossiles. La dernière découverte inédite remonte à 2003, avec la mise au jour d'un mille-pattes fossile, un petit invertébré terrestre qui vivait dans les forêts à proximité de l'estuaire il y a 380 millions d'années. En 125 ans de fouilles, jamais il n'avait été fait mention de la présence de mille-pattes dans la falaise. Ce spécimen est, à l'heure actuelle, le plus ancien mille-pattes connu dans le monde. Et les fossiles du parc de Miguashua réservent encore de nombreuses surprises. Le parc et le musée d'histoire naturelle sont ouverts toute l'année de 9h à 16h30, 17h l'été. Et des animateurs font des visites guidées de juin à octobre. Petit conseil d'amis, moi je conseillerais aux gens de venir en septembre. On a encore, notre équipe d'animation est encore en place et il y a beaucoup moins de gens, il y a moins de visiteurs. Donc les groupes qui font la tournée de l'exposition permanente du musée sont beaucoup plus petits, c'est des plus petits groupes. Donc les contacts avec l'animatrice, puisque c'est une équipe d'animatrices, alors les contacts avec les animatrices sont meilleurs. Ce site est unique en son genre. Dans le monde, il y a d'autres sites, évidemment, de la période du Dévonien, de l'âge des poissons, mais aucun n'a autant de poissons, de plantes et d'invertébrés que le site de Miguashua. Il y a d'autres sites, par contre, au Canada, qui se rattachent à d'autres périodes. Comme il y a un site de dinosaures en Alberta, il y a un site d'invertébrés dans les montagnes rocheuses, dans l'ouest canadien. En Nouvelle-Écosse, on retrouve dans la falaise de Joggins un site également où on retrouve les plus anciens reptiles connus sur la Terre, sur la planète. Alors, différents sites aussi les faire au Canada, mais au niveau des poissons, le site de Miguashua est unique non seulement à l'échelle du Québec et du Canada, mais de la planète. parfait pour les enfants ou les curieux qui rêvent de dinosaures. Alors, si vous en allez en Gaspésie, quittez la 132 pour découvrir les grandes étapes de l'évolution de la vie. Ben merci beaucoup Clémence pour cette visite par personne interposée. Mais c'est sûr que c'est sûrement mieux d'aller là-bas marcher pour voir de soi-même la falaise et puis parler avec les gens. C'est puis, sûr, mais c'est vrai que c'est quand même à 7 heures de Québec. Mais bon, si vous allez en Gaspésie, ça vaut quand même le détour. C'est ça, si on va en Gaspésie, il faut quitter la 132 et puis aller à Miguacha. Donc tu nous reviens dans 2 semaines pour une autre visite ? Oui, je vais certainement vous parler de l'île aux grues et puis des oiseaux qui migrent sur l'île. Justement, il y a un sentier qui a été mis en place. Ouais. Donc voilà, je pense que je vais m'intéresser à ça. Bah, c'est parfait. Comme tout à l'heure, on a parlé des migrations dans leur ensemble. Alors, on va faire un focus sur les migrations qui se trouvent à l'île aux grues. Puis j'imagine que ça va être question des oiseaux. Tout à fait, c'est ça. C'est parfait. Alors merci beaucoup Clémence. Bon, on se voit dans 2 semaines. Merci.